Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 31 décembre 1940, Jean Renoir arrive avec sa femme Dido à New York. Alors qu'ils ont quitté une Europe en guerre, ils découvrent une ville en fête, parée de ses plus beaux atours en cette soirée de réveillon. 20 ans plus tard, le cinéaste évoquait au micro d'Hélène Tournaire la décennie qu'il passa de l'autre côté de l'Atlantique. Dans le deuxième moment de cette rencontre, diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 20 mai 1960, il évoquait avec émotion le souvenir de Robert Flaherty, l'auteur de Nanouk l'Esquimau, dont Renoir dit joliment qu'il était un volcan en perpétuelle éruption. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tournaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, au cours de notre précédente rencontre, nous vous avions laissé sur le port de New York en 1940, à votre arrivée avec votre femme Dido, à votre Saint-Exupéry qui avait été votre compagnon de voyage. Vous étiez accueilli par Flaherty et vous nous aviez décrit Flaherty. Mais que faisait-il à cette époque-là? Eh bien, Flaherty travaillait plus ou moins pour le gouvernement américain. L'administration de Roosevelt était extrêmement favorable à une sorte d'éducation par le film et croyait à la propagande par le film. Or, à ce moment-là, c'était la grande époque. C'était remarqué, les réalisations étaient achevées, mais il y avait encore une lutte assez forte contre les réalisations, disons le mot socialiste, de Roosevelt. Par exemple, le grand barrage de la vallée du Tennessee et le fait que, autour de ce barrage, les terrains récupérés et les terrains assainis et les terrains mis à l'abri des inondations avaient été mis à la disposition de fermiers qui n'avaient pas l'argent pour s'acheter des terrains eux-mêmes, et à qui on donnait le terrain, une maison, les outils et tout ce qu'il fallait pour partir. Alors, le gouvernement Roosevelt pensait qu'il pouvait expliquer l'utilité de certaines de ses réalisations par le film, et à ce moment-là, Flaherty préparait un film sur la culture mécanique des champs. Car en France, nous croyons que tout est mécanisé en Amérique, d'ailleurs tout est mécanisé maintenant, mais à cette époque-là, il y avait pas mal de résistance encore dans certains secteurs. D'un autre côté, il est probable que Roosevelt prévoyait que tout de même l'Amérique aurait à nourrir une partie du reste du monde, et il voulait intensifier la culture des céréales en Amérique. Mais ce à quoi Flaherty pensait surtout, c'était à Louisiana Story, c'était à l'histoire de Louisiane. Remarquez qu'il donnait tout son cœur. Naturellement, c'est un homme qui ne savait rien faire à moitié. Il se donnait à tout. Alors, il se donnait tout entier à la réalisation des films sur la politique agricole du gouvernement. Mais il pensait à la Louisiane. Il avait été en Louisiane beaucoup. Il adorait la Louisiane. Il adorait le parler français, le parler bayou des habitants. Il adorait ses marécages avec ses serpents même et les petits crocodiles et tout ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure à propos d'un film que j'ai fait dans un pays qui rappelle un peu la Louisiane, mais qui n'est pas la Louisiane. Mais en tout cas, lui avait la passion de ce pays et il rêvait de l'histoire de Louisiane et il m'en a beaucoup parlé à ce moment-là. Flaherty, je dois vous dire, vous emballait, n'est-ce pas? C'était un personnage qui vous entraînait avec lui dans les rêves les plus insensés. D'autant plus insensés que ses rêves étaient tous basés sur la réalité, puisque c'était avant tout un grand observateur. On ne peut pas penser à lui sans penser d'abord à ses générosités. Je n'ai jamais vu Flaherty sans être entouré de 20 personnes. De 20 personnes couchant chez lui, par terre, sur le tapis, sur le lit, mangeant, vivant. Il faisait partie d'un club à New York, un club assez, assez fermé, un club de vieux New-Yorkais, surtout d'artistes et quelques acteurs, quelques journalistes, n'est-ce pas ? Et dans ce club, il avait sa table. Et sa table était une immense table ronde de plusieurs mètres de diamètre. Il était constamment à cette table, n'est-ce pas ? Et avec une foule tout autour de la table, les chevaliers de la table ronde. Et là, c'était à qui apporterait quelque chose de nouveau que l'on commandait à la cuisinière du club. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai apporté du vin de Gamay de Californie qu'il ne connaissait pas, car les Américains ignorent les vins de Californie, ils ne connaissent que les vins français. Mais enfin, on connaît aussi les vins de Californie, mais enfin, ils aiment mieux les vins français, ils ont raison. Mais il y a de bons vins en Californie, je lui ai apporté un Gamay, et alors ça a été une découverte insensée, n'est-ce pas ? Ça s'est terminé par des chants, une beuverie. Et je pense à ce souvenir, parce que, enfin, c'est un souvenir d'autant plus émouvant que c'est la dernière fois que j'ai vu Flaherty. J'étais avec ma femme, Dido, et nous avons donc passé toute la journée dans ce club avec lui, enfin une partie de la journée, très agréablement, nous avons parlé. Louisiana Story était terminée à ce moment-là, et il en était très content, et nous venions de voir, nous étions très enthousiastes, enfin, c'était un grand moment. Et puis, Flaherty devait prendre un train pour partir dans sa ferme. Il possédait une ferme dans le nord, dans le Vermont, à la limite du Canada. Un pays très beau, avec des arbres immenses, un pays qui lui convenait tout à fait. Un pays au climat violent. Vous savez, il fait très chaud l'été, puis il fait très froid l'hiver. Puis il y a de la glace, puis pas très loin, il y a des ours. Enfin, c'était tout à fait pour Flaherty. Et alors, il allait quitter New York pour regagner sa ferme du Vermont. Et alors on l'accompagnait un peu dans la rue. Il connaissait très bien New York et il avait la manie de ne pas prendre les rues, mais de prendre des couloirs de maisons communiquant avec d'autres couloirs de maisons donnant sur la rue suivante, vous voyez ? Comme à Lyon. C'est ça. Alors il s'engageait dans ces dédales. Alors nous l'avons suivi avec ma femme et puis nous avons débouché brusquement en plein soleil en sortant de ces couloirs sombres. Et puis il a dit non, je suis trop pressé, ne venez pas avec moi, j'ai un taxi. Il a arrêté un taxi, puis il a disparu là dans la foule comme ça et on ne l'a plus jamais revu. Oui, c'est un grand souvenir, Flaherty. Mais comment avez-vous découvert New York ? C'était votre premier voyage à New York. Eh bien voilà, le lendemain de notre arrivée, Flaherty n'a pas pu venir avec nous. C'est-à-dire que le matin, il nous a emmenés prendre un breakfast à l'hôtel Lafayette. L'hôtel Lafayette était un hôtel français absolument extravagant. C'était un hôtel qui était resté exactement comme un hôtel, non pas de Paris, mais d'une petite ville de province vers 1820. Les garçons étaient encore habillés avec des jaquettes noires de forme ancienne, et il y avait des tables de marbre, il y avait des comptoirs en bois imitation marbre, il y avait, vous savez, tout le rituel de l'hôtel bien tenu d'une petite ville il y a 100 ans, il y a même plus de 100 ans. Par exemple, les garçons avaient gardé des habitudes, comme lorsqu'on leur commandait un buck, garçon un buck, de répondre, boum, voilà. Lorsque, par exemple, on commandait une omelette, n'est-ce pas, de temps en temps, le garçon paraissait à la porte de la cuisine et criait « J'ai une omelette qui va bien !» Enfin, toutes les vieilles habitudes françaises étaient conservées dans cet hôtel Lafayette. Et après ce breakfast, nous sommes séparés, il avait quelque chose à faire, et ma femme et moi, nous avons décidé de visiter New York. Alors, nous avons arrêté un taxi, et nous sommes tombés sur un chauffeur de taxi qui a tout de suite vu que nous étions étrangers. Moi-même, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et ma femme, n'ayant pas été dans un pays anglo-saxon depuis plusieurs années, avait probablement un accent. Alors tout de suite, on nous a dit « D'où arrivez-vous ? Nous arrivons de France. » Et cet homme, immédiatement, nous a manifesté sa sympathie et a laissé percer sa curiosité. Il voulait savoir ce qui se passait, ce qu'il y avait, si on avait mangé, si... Enfin bref, toutes les questions. Et nous avons compris très rapidement qu'il était d'origine irlandaise. Et cet homme d'origine irlandaise se sentait pour la France envahie une grande sympathie parce qu'il comparait le sort de notre pays à celui de son pays qui avait été si longtemps envahi par ces horribles Anglais. Et il ne l'a pas caché d'ailleurs. Alors nous sommes devenus très copains, il nous a parlé de sa femme, il nous a demandé dans quel hôtel nous étions, il nous a dit que c'était un petit peu cher, qu'ils allaient nous donner l'adresse d'un hôtel meilleur marché, il nous a demandé dans quel restaurant nous allions, nous le lui avons dit, il a dit « mais vous êtes fous, vous allez vous ruiner, n'est-ce pas, c'est tout à fait grotesque, vous êtes des émigrés, il faut faire attention, n'est-ce pas ?» Et il nous a dit « d'ailleurs c'est très simple, je vais vous inviter à dîner chez moi, parce que ma femme fait très bien la cuisine et vous mangerez de la cuisine irlandaise. Vous savez, c'est la seule cuisine saine au monde, n'est-ce pas? Là, vous ne serez pas malade, ça ira bien, et puis on boira un bon coup après le repas, et vous verrez, on s'amusera bien. Et puis alors, finalement, il nous a dit, demain, qu'est-ce que vous faites? Demain, on voudrait visiter un peu plus la ville. Il a dit, voilà ce que vous allez faire. Demain, c'est mon jour de repos. Je ne travaille pas, je ne fais pas le taxi. Alors, je vais vous emmener visiter la ville, mais pas en taxi, ça coûte trop cher, en chemin de fer aérien. Du chemin de fer aérien, on voit tout et c'est beaucoup mieux. Est-ce que toutes les personnes que l'on rencontre en Amérique d'ici, on imagine que c'est un pays assez peu individualiste, on entre en contact comme ça directement avec les chauffeurs de taxi, les postiers Oui, les Américains sont très souvent bavards et aiment souvent perdre du temps. Dans le Sud, alors là, nous parlerons du Sud plus tard, c'est une institution. Mais même dans le Nord, même dans l'Est, même en Californie, on a le goût de la conversation poussée à un degré extraordinaire. Il n'y a pas de cas qu'un laitier ne vous apporte son lait sans vous demander de vos nouvelles, sans vous expliquer. Et si c'est la première fois qu'il apporte du lait, il vous expliquera qu'il est d'origine allemande et vous demandera. Voilà, les origines comptent beaucoup. En réalité, l'Amérique est une série de groupes. C'est une série de groupes et on cherche à savoir si l'interlocuteur fait partie de son groupe. N'est-ce pas? Le groupe irlandais, par exemple, on aime beaucoup être entre Irlandais. Ça joue énormément. Le groupe juif joue énormément, n'est-ce pas? Un juif aime beaucoup rencontrer un autre juif et dire, mais de quelle origine êtes-vous? Ah, vos grands-parents viennent d'Allemagne. Ah ben, les miens viennent d'Espagne, n'est-ce pas? C'est un degré tel que pour faciliter ce sport national qui est le bavardage, eh bien, dans les magasins, dans les bureaux de poste, un petit peu partout, on a des écriteaux avec le nom de la personne. N'est-ce pas? Vous allez à un guichet de poste, vous voulez acheter un timbre. Eh bien, vous avez un petit écriteau qui vous indique que c'est Mademoiselle Smith qui vous vend ce timbre. Alors, vous ne dites pas un timbre, vous dites « Bonjour, Mademoiselle Smith, comment allez-vous? Je voudrais un timbre. » « Ah, vous voudriez un timbre. Un timbre pour où ?»« Ben, un timbre pour l'étranger. » « Ah, vous écrivez à l'étranger. Mais d'où venez-vous? Ah, ben tiens, moi, j'ai vu une grand-mère française. Elle était de Château-Thierry, n'est-ce pas? Vous connaissez Château-Thierry? Non, pas du tout. Ah, oh, c'est dommage, sans ça, vous m'auriez décrit Château-Thierry, etc. » Tenez, en deux mots, je vais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée. Je voulais louer une voiture pour aller voir mon ami Simenon, qui a toujours une propriété à Lakeville, dans le Connecticut, une propriété magnifique avec un petit lac, enfin un endroit digne de Simenon. Et alors, pour louer cette voiture, il fallait que nous donnions une caution. Parce que, tout de même, ça coûte très cher, une voiture. La voiture ne coûte pas cher à louer en Amérique, mais enfin, il faut tout de même, n'est-ce pas, prouver qu'on ne volera pas la voiture. Alors, on m'a dit, vous êtes de New York? Non. Vous avez une banque à New York? Non. Pouvez-vous donner le nom d'un de vos amis à New York? Oui. Mais vous pouvez lui téléphoner? Ah ben non, parce qu'il est 7h du matin, et la plupart de mes amis sont des acteurs, je veux pas les réveiller. Ah ça, c'est embêtant. Alors, j'ai pris mon portefeuille, et j'ai cherché un papier qui pourrait donner confiance. J'avais une carte du guilde des metteurs en scène d'Hollywood. Le gars s'en fichait éperdument, ça comptait pas. À New York, vous pensez, les metteurs en scène d'Hollywood, s'ils s'en balancent, n'est-ce pas? J'avais, enfin, différents papiers, ça ne l'influençait pas. Quand tombe de mon portefeuille une petite médaille religieuse que j'avais par hasard dans mon portefeuille, comme ça, n'est-ce pas? Alors, l'œil de mon interlocuteur s'arrondit, il regarde la médaille, il me dit, est-ce que par hasard vous seriez catholique? Je lui dis oui. Il me dit, bien, moi, écoutez, monsieur, je vais vous dire, je m'appelle McNamara, et vous pouvez avoir toutes les voitures que vous voudrez. McNamara étant le nom le plus irlandais, donc le plus catholique du monde. Mais vous avez, je crois, quitté New York assez vite. Êtes-vous parti avec Saint-Exupéry? Non. Alors, Saint-Exupéry est resté à New York, où d'ailleurs l'attendait une réception absolument fantastique. Il nous a été arraché tout de suite. Heureusement, nous nous sommes revus de temps en temps grâce à un ami commun, le peintre Lamotte, qui avait un grenier extraordinaire au-dessus d'un gratte-ciel, dominant la ville, un grenier adorable avec des meubles en bois blanc, et là, il faisait griller des beefsteaks lui-même pour ses copains. Enfin, nous avons eu des réunions tout à fait charmantes chez Lamotte. Mais Saint-Exupéry nous a été pris par sa gloire, n'est-ce pas? Tout New York l'attendait. Au devanture des libraires, on avait affiché tous ses livres et tous les titres de ses ouvrages. Et il y avait des welcome, des bienvenus partout, n'est-ce pas? Et des petits drapeaux français dans les vitrines, en son honneur. Alors il a été pris par une série de réceptions, de fêtes, etc. De sorte qu'à New York, nous ne l'avons très peu vu. Nous devions le voir d'une façon constante et heureusement intime, parce que c'était un être exquis et il était dommage de ne pas trouver moyen d'en profiter. Non, il est venu habiter chez moi plus tard, en Californie. Mais vous êtes parti pour la Californie tout de suite ? Écoutez, Flaherty a voulu m'emmener à Washington, où il habitait. Alors ça m'a donné l'occasion de voir Washington. Et Washington, l'hiver, quand on arrive d'Europe, c'est une chose assez... Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que nous sommes arrivés à New York, donc venant de Lisbonne, donc venant de France. Enfin, nous étions encore moralement en France. Nous étions encore dans les rues sombres la nuit. Nous étions encore dans la nourriture restreinte. Nous étions encore, enfin, dans toute l'atmosphère de l'occupation. Et nous sommes arrivés à New York le 31 du mois de décembre. C'est-à-dire le jour où tout New York est en folie. Et nous sommes arrivés dans une ville illuminée toute la nuit, avec les orchestres partout marchant à fond, avec des musiques dans les rues, avec des gens soufflant dans des petites trompettes, se lançant des confettis, se lançant tout ce qu'on peut se lancer à la figure, avec des faux nez, des faux chapeaux, enfin une sorte de... Ce jour de l'an new-yorkais, cette année-là, avait une espèce d'allure de carnaval joyeux, et surtout de la lumière et de la lumière. Alors vous savez, venant d'Europe, parce que même Lisbonne est une ville sombre comparée à un New York du jour de l'an, croyez-moi. Et toute cette venture, et les cinématographes, et les théâtres, et la joie, et les gens vous parlant dans la rue, vous bousculant. Vraiment, c'était une impression insensée, nous en aurions pleuré. Nous venions vraiment de la nuit, et nous nous trouvions dans une lumière, peut-être un petit peu artificielle, mais même quand c'est artificiel, la lumière, c'est tout de même la lumière. Vous avez donc laissé Saint-Exupéry à New York, et vous êtes parti avec votre femme Dido pour Los Angeles. Nous sommes partis pour Washington d'abord, et pour Los Angeles ensuite, n'est-ce pas ? À Washington, alors là, autre impression, n'est-ce pas, cette ville majestueuse avec des... Vous savez, quand on arrive à Washington pour la première fois, surtout l'hiver avec la neige, on a l'impression de colonnes, on ne voit que des colonnes. Le Capitole a des colonnes, tous les bâtiments officiels ont des colonnes, on a l'impression de colonnes, et c'est extrêmement majestueux. C'est extrêmement majestueux et en même temps un peu compassé. Je ne m'attendais pas à ça du tout, parce que j'allais retrouver Flaherty qui était parti un jour avant, et Flaherty étant le contraire du genre compassé, Flaherty étant le volcan en éruption perpétuelle, je ne m'attendais pas du tout à cette solennité. On peut dire que Washington, enfin, c'est l'effet que ça m'a fait à ce moment-là, est une ville certainement aussi solennelle que les quartiers officiels de Londres. Et comment est la population de Washington ? Eh bien, je n'ai pas pu en juger à ce moment-là, mais je suis retourné à Washington et j'ai appris un peu à connaître Washington. Washington est une ville assez curieuse en ce sens que c'est un État par soi-même. Washington n'est pas dans un État. Il y a un État exprès pour Washington. La capitale, à elle seule, constitue un État. Et il se trouve que cet État est un État qui, par tradition, moralement, fait partie de ce qu'on appelle le Sud. Les idées des gens de Washington sont... Les idées sont les mauvaises idées des confédérés, si j'ose dire. Il y a, entre le gouvernement qui siège à Washington et les habitants de Washington, quelquefois, mais un divorce considérable. Alors, vous avez tout ce qui correspond à l'administration d'un grand pays et tout ce qui est autour de cette administration, les journaux qui cherchent à influencer l'opinion, les grandes banques, les grandes entreprises, c'est-à-dire une vie officielle considérable, c'est évident. Puis vous avez une ville de province avec tous les préjugés d'une ville de province, notamment le préjugé de la race. Il n'y a pas tellement longtemps qu'à Washington, les Noirs et les Blancs vont dans les mêmes collèges. Lorsque je suis passé, la ségrégation était encore une chose absolument intégrale, absolument pratiquée à Washington. Et c'est extrêmement surprenant, c'était surtout surprenant à l'époque de Roosevelt, qui était l'homme des idées généreuses, qui était l'homme de l'égalité absolue, n'est-ce pas ? Mais c'était comme ça. C'est parce qu'il se passe en Amérique, et que les Européens ne comprennent pas toujours, c'est que l'Amérique est une agglomération d'États, de villes, et que le principe de la Constitution américaine est de laisser à chacun le soin de se gouverner, même si ce gouvernement semble mauvais. aux gens qui sont à la tête de l'État en général. Alors, vous avez à Washington une certaine municipalité qui est élue, qui décide certaines choses. Ben, cette municipalité est libre, ce sont des gens élus, ce sont des citoyens qui ont décidé librement de la façon dont ils veulent se conduire, même si cette conduite est quelquefois étrange. Nous allons donc, si vous le voulez bien, Jean Renoir, vous laisser aujourd'hui dans la capitale des États-Unis, Washington, et visiter avec vous, au cours des prochaines rencontres, plusieurs provinces et plusieurs villes des États-Unis. C'était Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 20 mai 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Irresistible force such as you meets an old immovable object like me. You can bet as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store? Neath their vast, mysterious sky, I'll try hard, ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night. We'll find out as sure as we live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. You wanna dance, that's easy to do. Then dig the one I'm hipping you to. I'm gonna teach you to fall in on what they are calling the slew foot. You make your right foot point to the north. You make your left foot point to the south. And then you stroll sort of westerly, slow and siesterly, slew foot. Now don't be an oddball and don't be a fig. Try, why be shy? After all, it's even better if your feet's too big. You put the old posterior out and you manipulate it about. It is the most lackadaisiest, I mean the craziest, slew foot. Now here's what you got to do with this thing, children. Relax, you know, loose up. Strike an attitude. Just pick them up and lay them down, that's all. Can't go wrong, because all you have to do is slew for it. There's nothing to it, just do it.